Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier podcast audio. C'est une expérience très expérimentale pour moi de parler ainsi dans le vide, plutôt devrais-je dire sans aucun support visuel. Ça va probablement me demander un grand travail de clarté, ce qui reste une de mes plus grosses lacunes. Mais j'espère que ça se passera plutôt bien et que ce sera tout de même intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me reste tout de même une chose à vous souhaiter, c'est une bonne écoute. Notre sujet d'aujourd'hui touche principalement à la culture. Et reste quelque chose de très divisé. En effet, pour le moment, il n'y a aucun accord, et c'est plutôt normal puisque l'on parle principalement de subjectivité. D'ailleurs, avant même de rentrer dans le débat, il faudrait peut-être donner une définition claire, mais aussi expliquer ce que l'on entend par dématériel. Le site l'internaute.fr nous propose la définition au verbe dématérialisé suivante: priver quelque chose de ses propriétés physiques. Et c'est exactement ce dont nous allons parler, mais de manière plus épanouie dans le domaine de la culture et des arts. Notre sujet d'aujourd'hui, la dématérialisation, touche à toutes sortes d'arts. La littérature, y compris la BD, le cinéma, y compris les arts médiatiques, la musique, les jeux vidéo, et même pourquoi pas les arts visuels et l'architecture. Les seuls arts qui ne peuvent être dématérialisés sont la sculpture et les arts de la scène. Alors, on peut voir ça de différentes manières. D'une part, le cinéma a en lui-même toujours été dématérialisé, puisqu'il ne s'agissait que de projections. Néanmoins, les bobines étaient palpables, et elles étaient le support des films. Et même si de nos jours, il n'y a plus aucun doute sur le fait que le cinéma n'est plus du tout physique, vu qu'il n'y a plus de bobines ou autres, nous sommes dans l'ère du cinéma numérique. Cependant, il existe encore des supports de stockage physiques, tels que le DVD, ou plus rarement la cassette. Même si avec l'avènement du téléchargement, du streaming illégal et des systèmes de vidéos à la demande comme Netflix, ou encore des services de streaming légaux comme MyTF1, on peut se demander si l'avenir des supports physiques dans le milieu du cinéma est encore garanti, et non pas en voie de disparition. En ce qui concerne les arts médiatiques, eh bien, il reste tout de même quelques survivants papier du côté des journaux non télévisés, mais la plupart possèdent une plateforme en ligne avec abonnement en ligne malgré tout. Bienvenue dans l'ère du PDF. C'est approximativement un cas similaire dans le milieu de la musique. En 2018, toutes les musiques sont accessibles via YouTube, Spotify ou même Deezer. Et elles sont également téléchargeables. Et comme on peut le voir assez souvent, les ventes d'albums sont en chute libre. Il s'agit, avec le vinyle, qui se fait également rare, du seul support physique disponible pour les musiciens, musiciennes et chanteurs, chanteuses. Mais dans ce cas-là, il y a moins de pertes du côté de l'artiste comme de celui de l'acheteur, mais nous y reviendrons plus tard. Une discipline où il y a très peu de pertes pour l'acheteur, dû au dématériel bien sûr, est celle de la littérature. En effet, même si du point de vue de l'auteur, le coût peut être divisé, voire même effacé, je pense notamment aux scans de manga ou de bande dessinée, il existe une branche littéraire sur Internet qui n'est autre que celle des formats Kindle et e-book. Certaines lecteurs-lectrices reste tout de même assez réfractaire à ce style de lecture, mais il est incontestable qu'énormément de personnes ont déjà accepté et adopté cette lecture sans papier. Et c'est là encore plus ou moins la même chose du côté des arts visuels et de l'architecture. Au détail près que le artiste est ici complètement enfermé et non maître de son œuvre, puisque sur Internet, et cela même si le principe de copyright s'applique, il n'est cependant pas énormément respecté. Mais il n'est pas surprenant de voir que l'architecture ne se développe plus sur papier ou grande toile, mais bien sur des applications et autres logiciels permettant de la modélisation en 3D. Et c'est la même chose pour les arts visuels, étant donné l'ascension médiatique des tablettes graphiques pour ne prendre que cet exemple. Enfin, il nous reste le plus controversé d'entre tous, et je sais que vous l'attendiez, puisque l'on parle habituellement de dématérialisation lorsque le sujet se porte sur le domaine des jeux vidéo. Et ce serait mentir que de dire que ce n'est pas ce sujet qui m'a le plus inspiré pour ce premier podcast. Quel est exactement le problème? La plupart d'entre nous avons été habitués aux jeux vidéo en CD ou cartouche que l'on achète en boîte avec quelques images, un résumé et même parfois un petit livret. Passons au-delà du fait que les livrets ont pratiquement disparu. Ces images et résumés sont désormais disponibles en ligne lorsque vous comptez acheter votre jeu, que ce soit sur des plateformes spécialisées comme celle du PlayStation Store ou même Steam, ou bien sur des sites attitrés comme celui utilisé par Adam Ryland pour vendre ses jeux Total Extreme Wrestling. Les livrets, eux, sont disponibles évidemment en ligne également, et au final, cette dématérialisation permet d'avoir des jeux plus faciles à pirater et télécharger graphiquement, ce qui est tout bénef pour les joueurs-joueuses. Cependant, certains ou certaines puristes, dont je fais partie, trouve un certain réconfort à l'idée d'avoir un jeu matériel et non pas uniquement en amas de données. Même s'il s'agit en réalité d'un faux puritanisme, car il ne faudrait pas oublier les jeux des années 80, où les jaquettes ne renfermaient non pas des disquettes, mais des clés ou des codes pour installer son jeu. Il existe également l'argument du marché de l'occasion, mais là encore c'est une pure excuse, puisqu'il serait totalement possible de créer un système interne permettant de vendre ces jeux en ligne. Encore faudrait-il que les constructeurs, constructrices et développeurs, développeuses soient d'accord et que les plateformes de vente agréent ce système. Même si d'une certaine manière on pourrait se dire que le téléchargement est une sorte de marché de l'occasion, mais en illégal. Il me semble que nous venons de clairement, et peut-être même un peu trop, définir notre sujet d'aujourd'hui. Et quand bien même le travail semble déjà bien entamé, il me semble logique de rentrer désormais dans le vif du sujet et d'ouvrir le débat sur la dématérialisation numérique. Est-ce que c'est une bonne chose et dans quelles circonstances? On appliquera pour cela l'hypothèse d'une dématérialisation totale. Commencer par les arguments me semble le plus sensé, puisqu'il est malgré tout le plus important. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des défenseurs, et en l'occurrence des personnes contre la dématérialisation. Le premier argument est celui qui revient le plus, y compris chez les non-puristes, et qui fonctionne autant pour le cinéma que pour les jeux vidéo ou encore la musique. C'est celui du stockage et de la perte de données. On y réfléchit très peu au quotidien parce que nous sommes dans une époque où l'on vit l'ascension de l'Internet et du dématériel, mais tout ceci est stocké dans des serveurs. Ainsi, si ces serveurs venaient à casser ou l'entreprise qui les gère à fermer, il se pourrait que toutes nos données, et ainsi tous nos jeux, films ou playlists, et tous nos achats s'envolent sans possibilité de remboursement. On serait ainsi impuissant et notre contenu aurait disparu. Dans le cas des MOBA gratuits ou des MMORPG, pour parler du jeu vidéo, cela peut sembler futile puisque le jeu n'a pas été acheté. Néanmoins, il y a de grandes chances que vous ayez mis, d'une part, de l'argent dans le jeu pour acheter des skins ou des offres spéciales, dans le cas du cinéma, que vous ayez payé votre abonnement Netflix depuis des mois ou des années, et que désormais, une fois la plateforme morte, il vous est compliqué d'annuler ce paiement mensuel, et c'est la même chose pour les plateformes musicales. D'autre part, pour revenir aux jeux vidéo, il se pourrait que vous ayez également mis de vous dans ce jeu. Les deux exemples de jeux cités précédemment représentent généralement des heures de jeu pour chaque joueur, voire même des journées de jeu cumulées. Et perdre tout cela à tout jamais pourrait être extrêmement frustrant. Sans parler des streamers, streameuses et autres professionnels pour lesquels cette situation pourrait être catastrophique. Si Internet s'éteignait, cela serait un désastre. Si tous les jeux, films, séries ou musiques et autres projets étaient alors dématérialisés et impossibles d'accès. Néanmoins, ce ne serait pas obligatoirement un problème pour l'architecture ou les arts visuels, puisque de manière assez globale, les fichiers sont tout de même enregistrés sur la mémoire interne de notre ordinateur pour ces deux domaines. C'est un argument fort et qui a son pesant non seulement de vérité mais aussi de logique, et qui au moins a le mérite de se baser sur quelque chose de concret et qui est en partie un petit peu engagé, même si écologiquement c'est un peu plus complexe, mais nous y reviendrons plus tard. Le deuxième argument que l'on peut entendre est celui des puristes. En effet, avoir son jeu, DVD, album, dessin, etc. en main propre peut apporter un certain réconfort à certaines personnes, dont moi. Et le plaisir, c'est quand même le plus important dans le domaine du divertissement, et il devrait l'être aussi dans le monde du travail. Il s'agit ici d'une chose très matérialiste, c'est vrai. Mais c'est un matérialisme qui n'est pas vraiment dommageable pour l'utilisateur. Il n'y a pas d'aliénation à proprement parler, et pour faire un lien avec notre prochain point, ce purisme peut offrir également à l'acheteur des bénéfices financiers. La dématérialisation, c'est tuer l'enfance, et peut-être aussi le partage et le contre-pouvoir du marché de l'occasion, de la location et des enchères. Mais avant d'aller trop loin, passons directement au prochain argument, c'est-à-dire celui des finances. Car oui, pour notre troisième argument, on peut également parler de l'économie qui englobe ces différents domaines. Instinctivement, on va revenir sur ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire la mort des marchés non officiels. Celui de la location avec les vidéo stores, celui de l'occasion, et je vous parle de la véritable occasion, et pas des revendeurs ou magasins spécialisés comme EasyCash ou Micromania, mais de l'occasion made in Le Bon Coin ou vide-grenier. Et je ne vous parle même pas du secteur du jeu vidéo rétro qui risquerait de prendre une sacrée claque, voire même de disparaître, car je ne compte pas l'émulation comme faisant réellement partie du rétro gaming. Mais ce serait aussi tuer l'art visuel, même s'il est impossible que l'art finisse par n'être que du virtuel, et que je fais preuve d'une extrême mauvaise foi, il faut bien se rappeler que les marchés des enchères et les ventes privées ou autres sont inaccessibles sans format physique. La dématérialisation totale pourrait donner un plein pouvoir au capitalisme déjà existant dans ces différents domaines, et principalement dans le monde du cinéma et des jeux vidéo. Mais quand je parle de problème économique, je ne vois pas que ce problème d'utilisateur, je vois aussi le problème de l'emploi et de l'avenir des études. Pour un jeu vidéo en boîte, un coffret DVD, un album, une pochette de vinyle ou même une exposition, il faut évidemment des employés, des graphistes, des vendeurs-vendeuses, même si elles ne sont pas forcément certifiées, ou encore même dans le domaine des arts visuels, des sponsors, des gardiens, des gardiennes, des agents de sécurité, mais aussi des salles, des musées et donc des directeurs, directrices, des constructeurs, constructrices, etc., etc. La dématérialisation possède une portée assez violente sur le monde actuel. Ce n'est pas simplement une question de désir sans véritable fondement. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des grands arguments, ou plutôt contre-arguments, puisque nous venons de lister les oppositions à la dématérialisation. Maintenant, il est temps de voir les bénéfices de cette dématérialisation totale dont on fait notre expérience de pensée en quelque sorte. N'oublions pas que nous sommes sur une hypothèse, après tout, et que le monde de ces domaines se porte tout de même assez bien dans la situation actuelle. Passons donc immédiatement aux arguments pour la dématérialisation. Et commençons tout de suite avec le plus important et ce qui compte détruire toute l'argumentation précédente sur le stockage de données, puisque nous allons aborder le point de vue écologie, afin de voir qu'il n'y a aucune issue de ce côté-là. En effet, nous avons précédemment abordé le problème du stockage et de la pollution des serveurs, mais on peut y voir beaucoup de mauvaise foi de ma part et de celle des personnes qui utiliseraient ces arguments. D'une part, car le papier pollue énormément moins que la croyance populaire semble l'indiquer, aujourd'hui la feuille papier est même plutôt écologique par rapport au plastique et au carton utilisés pour les emballages des jeux vidéo et DVD. Et d'autre part, car la pollution la plus grande est physique. Le carton, le plastique et tout élément utilisé pour par exemple les couvertures de livres ou encore les pochettes d'albums, pour ne pas revenir sur ce que je viens de dire juste avant compte tenu du cinéma et des jeux vidéo. En l'occurrence, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que oui, on va pas se mentir, les données polluent la Terre. Mais ce n'est rien compte tenu de la pollution provoquée par les supports physiques. Mine de rien, et je dirais même peut-être par coïncidence, la dématérialisation a permis un pas en avant vers l'écologie. Néanmoins, c'est un dilemme assez monstre, puisque dans ce podcast, nous essayons depuis le début de s'imaginer un monde complètement dématérialisé. Pour le coup, ce ne serait pas forcément plus vivable, moins de pollution physique certes, mais plus de pollution informatique et plus de serveurs, etc. etc. Ce qui veut dire qu'on vient d'invalider l'argument de l'écologie. Il n'est pas une carte à jouer et n'est pas un argument, peu importe notre placement dans ce débat. Et ce n'est pas terminé, puisque notre deuxième argument pour la dématérialisation est le plaisir éphémère. Je vais tenter d'être aussi clair que possible, néanmoins je vous renvoie immédiatement vers les vidéos de Dirty Biology et de Cyrus North, intitulées respectivement Super Stimulus et Ça m'ennuie de vous dire ça. Je vais globalement vous parler comme prévu du principe de plaisir éphémère, ou plutôt de désir. Vous l'avez certainement remarqué seul, mais lorsque l'on désire réellement quelque chose, qu'on ressent le besoin de le posséder, alors on se sent incomplet sans cette chose, et je pourrais même dire sans cette personne, puisque le système est sous quelques points identiques pour le besoin et le désir d'autrui. Sauf que dans ce cas-là, on ne va pas parler de possession, mais de se sentir mal sans la présence de cette personne. Et globalement, cela peut s'appliquer à tous nos sujets, puisque lorsque l'on désire avoir ou faire un dessin, un livre, une BD, un film, un jeu vidéo, c'est bien ce système de désir. Mais là où cela devient handicapant, c'est qu'une fois en notre possession, ou en la présence de cet objet ou de cette personne, eh bien, tout n'est plus pareil. Au début, c'est effectivement quelque chose qui nous comble, mais très vite, l'adaptation de l'humain et le problème de la routine, de l'habitude, revient, et cette chose que l'on a tant voulu ne nous suffit plus. Là, par contre, une personne peut suffire, et ce n'est plus exactement la même chose, alors on va rester sur le principe du support une fois encore, ce sera plus simple. Et c'est là que je vais revenir sur ce que je disais au début de mon speech, puisque le désir désigne le fait que nous n'avons pas réellement besoin, mais que l'on souhaite. Et pour apporter une touche de sérieux à cet argument, il est possible de parler d'Épicure. Ce philosophe intentionné hippie avait pour mot d'ordre de distinguer les désirs limités et les désirs illimités. Les premiers se rapportent principalement aux besoins naturels tels que manger, boire, dormir, mais aussi avoir des amis et des relations sociales positives. Parce que oui, en Grèce antique déjà, on luttait contre les relations toxiques. Pour Épicure, les désirs limités sont ceux qui ont une fin précise. Quand on mange, il arrive à un moment où c'est terminé. On n'a plus faim, alors on s'arrête. Tandis que les désirs illimités, eux, sont simplement les désirs sans réel fondement et sans véritable fin, ce qui ne seront que le début d'autres désirs. Il prenait pour exemple le pouvoir, puisque l'humain en voudra toujours plus. Mais cela fonctionne particulièrement bien avec ses plaisirs éphémères. Croyez-le ou non, mais Épicure y arrivait. Il passait sa vie dans son jardin et ne désirait, d'après les nombreuses histoires, rien. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais à l'aide d'Épicure et des différentes vérités que je viens de vous exposer, je pense qu'il est possible d'invalider donc le deuxième argument précédent, celui du puritanisme. Ce qui n'empêche pas que les mêmes arguments sont utilisables contre la dématérialisation. Cependant, en l'occurrence, ça fait moins de pollution de supprimer des données que de jeter du plastique à l'extérieur. Arrêtez de faire ça! Avant de passer au prochain et dernier argument, je voulais attirer votre attention sur le fait que invalider un argument ne met pas forcément fin à un débat, comme je viens de le montrer, puisque un argument sera toujours invalidable au final. Cependant, il s'agit d'un système de débat intelligible et plutôt intéressant, slash facile. Alors pour terminer, je n'invaliderai pas l'argument économique parce que je refuse de défendre le capitalisme. À la place, je préfère avancer la thèse suivante. La dématérialisation, c'est avant tout sauvegarder et ne pas laisser disparaître. Je vais m'expliquer, et nous allons parler un petit peu d'histoire. Qui parmi nous, humains du 21e siècle, sommes capables de dire à quoi ressemblait la vie, et cela de manière très exacte et certaine, des premières femmes et des premiers hommes? Et même sans partir aussi loin, comment était la vie en 1910 pour l'ensemble de l'humanité? Ce sont des choses assez inaccessibles, car le temps a effacé la plupart des preuves et témoignages existants. Pour être même plus extrémiste, on peut dire que la Terre a changé depuis le premier ou la première Homo habilis. Ces choses vont obligatoirement se reproduire, cependant, grâce à la dématérialisation, Il se pourrait bien que les trois quarts des preuves de notre existence vivent jusqu'à ce qu'une civilisation à des dizaines de milliers d'années dans le futur les découvre, parce qu'il semble difficilement imaginable que la nature puisse à un moment ou à un autre faire disparaître ce qui n'est pas physique, des données. Bon, probablement stockées sur des technologies physiques qui finiront obsolètes avec le temps, mais qui existeront tout de même encore. Il est vrai que je m'aventure ici sur un terrain aussi glissant qu'incertain. Pour avoir raison ici, il faudrait pouvoir voir l'avenir, et je ne connais pas personnellement Keanu Reeves. Toute donnée sauvegardée est potentiellement retrouvable dans le futur et pourrait donc permettre à l'histoire d'être encore un peu plus précise dans le futur. De ne pas tout perdre, de ne pas tout oublier, de ce que l'on vit, mais de ce que l'on sait également. Le savoir lui-même fait partie de l'histoire et tout le savoir accumulé jusqu'à aujourd'hui pourrait disparaître rien qu'avec une intempérie ou autre guerre. D'où la nécessité d'avoir des copies et de numériser, sauvegarder informatiquement toutes ces données, toutes ces œuvres d'art, mais aussi peut-être et malheureusement la vie de chacun d'entre nous. Et finalement, je veux dire, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qui ressort de cet échange d'arguments? Beaucoup de choses. Et chacun et chacune d'entre vous a le droit de se faire son propre avis, d'en retirer ce qu'elle souhaite. Je peux, pour vous aider, vous résumer toute cette espèce d'expérience de pensée qu'était notre dématérialisation totale. Nous avons commencé par mettre en lumière la pollution et les dégâts écologiques créés potentiellement par la dématérialisation, et plus précisément par le stockage des données et la non-recyclabilité des serveurs. Mais d'un autre côté, nous avons également vu que la pollution était très importante dans le domaine des supports physiques également. Ensuite, nous avons tenté d'avancer un point de vue, celui du puritanisme et des fans qui souhaitent, pour leur unique plaisir, d'avoir des supports physiques, que des choses non virtuelles. Suite à quoi, nous avons défini la pensée philosophique qui veut que le plaisir ne soit qu'éphémère et que le désir est passager, impliquant donc l'inutilité de ce puritanisme, de cette volonté partagée. Puis, pour terminer, nous avons d'abord vu que le grand gagnant de la dématérialisation totale était, comme toujours, les puissants et les puissantes, le capitalisme, celles qui possèdent. Et pourtant, en cette fin de podcast, nous avons pu comprendre que l'histoire et le temps seraient tout de même victorieux, du moins en partie, de cette dématérialisation totale. Pour ma part, je me place comme la majorité de la population mondiale occidentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces choses sont avant tout des privilèges, pouvoir discuter et débattre de ce que l'on préfère alors que les deux existent est une chance. Mais revenons sur ce que je disais, et je disais justement que comme beaucoup d'autres, je me complais dans la situation actuelle, celle où le dématériel et le physique se partagent les différents domaines. Autant dire que je ne suis pas pour la dématérialisation totale, mais qu'en même temps je ne suis pas pour le 100% physique. Mon avis est donc de ne pas avoir un avis fixe. C'est intéressant comme démarche, mine de rien. On y reviendra peut-être dans un autre podcast. Sur ce, je pense qu'on touche à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop ennuyant ou même lassant, et ignorant aussi. J'ai essayé d'être inclusif et aussi clair que possible, et j'espère avoir réussi, malgré les potentielles grosses erreurs qui auraient pu s'infiltrer dans le podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et même pourquoi pas une bonne semaine. À la prochaine tout le monde.